épisode 15, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bon alors les loulous, aujourd'hui, podcast dans des conditions un peu spéciales? Ouais. Oui, on a eu des gros problèmes. Ah bon, des problèmes avec le podcast? Non, pas sur le podcast, c'est juste que on a une coupure de courant, on n'a plus rien qui est branché. Une coupure de courant? Comment ça se fait qu'on a une coupure de courant, Lou? Parce que il y a peut-être trop de vent et il y a un fil qui s'est coupé peut-être. Ah, à l'extérieur alors? Oui. Alors il y a des équipes d'EDF qui travaillent pour remettre le courant? Oui. Ouais. Pourquoi on peut enregistrer nous? Parce que nous, on a juste à brancher ça sur le micro. Et ça, ça marche sur quoi ça, l'enregistreur? Bah sur le micro. C'est quoi comme batterie dedans? Des piles. C'est les piles qui sauvent notre podcast alors. T'es d'accord Lou? Et aussi, pour couper le podcast, on peut le brancher sur l'ordinateur. Ça s'appelle comment quand on coupe les morceaux Lou? Ça s'appelle le... Coupeur. Le coupeur? Montage. Le montage, tu sais faire le montage toi? Ouais. Tu l'as déjà fait? Ouais. Ah super, mais alors ce soir on est coincé. Et en plus ce soir on devait avoir l'interview de qui? De mon copain. Lequel? D'Aloïs. Bah du coup, est-ce qu'on peut l'appeler Aloïs? Non. Pourquoi? Il a une coupure de courant. Du coup, il n'y a pas de téléphone non plus. Et peut-être que aussi ils l'ont, on ne sait pas. Alors on est enfermé à la maison. Il y a une coupure d'électricité. Et le téléphone ne marche plus. Oui. On va ressortir les jeux de société. Surtout que... Non, on peut faire du vélo. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre sur le vélo? Lou, elle veut faire du vélo. Avec un vent comme ça, on pourrait mettre quoi pour aller plus vite sur le vélo? Des pots d'échappement. Des pots d'échappement pour aller plus vite? Oui. Non. Des quoi? Une voile. Donc Lou qui veut faire du vélo, on va mettre des voiles sur le vélo? Non. Moi j'ai même pas peur. Hein. Ou un cerf-volant? Non. Moi je suis capable de le faire. Hein. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Aloïs du coup? On peut pas l'enregistrer aujourd'hui, mais on peut lui passer un petit mot. Lou, tu veux dire un petit mot à Aloïs? Bonjour Aloïs. On t'appelle demain. Et puis qu'est-ce qu'on doit appeler d'autre? Qu'est-ce qu'on doit appeler d'autre? Lucas et Lola. Donc, demain, on appellera Aloïs, Lucas et Lola, on fera les interviews et on les mettra dans les prochains podcasts. Et mercredi, on appellera Oriane. Ok, impeccable. Ça vous va comme ça? Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? J'ai dessiné sur les poissons d'avril. Les poissons d'avril? On n'est pas en avril, on est en mars. Pourquoi vous avez fait des poissons d'avril? Parce que dans 2 jours, c'est le 1er mars. Le 1er? Avril. Et qu'est-ce qui se passe le 1er avril? Eh ben, il y a les poissons d'avril. Et qu'est-ce qu'on en fait des poissons d'avril? En fait, nous, quand on aura tout fait, on a fait des couronnes. Maman, c'est elle qui les a faites, les couronnes. Et puis moi, c'est moi qui a colorié les poissons. Fallait faire quoi avec les poissons? Les mettre dans le dos. Les mettre dans le dos de papa et maman. Les mettre dans le dos de papa et maman? Donc on fait des farces? Ouais. Le 1er avril, on fait... des... farces. Et toi, tu as fait quoi aujourd'hui? Je sais plus. Tu sais plus? T'as fait des devoirs, non, peut-être, un peu? Oui, ce matin. T'as fait un truc que t'adores. Par quoi t'as commencé? De l'écriture. T'aimes bien, toi, l'écriture? Non, c'est chiant. Par contre, t'as fait des maths. Ah oui. Un peu de dessin? Oui. Un peu de chant aussi? Oui. Vous avez chanté quoi, ce matin? Ah oui, mes parents sont bio. Autre chose? Non. Fini pour aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? À demain! On dit au revoir d'abord, peut-être. Au revoir, tout le monde! Au revoir, tout le monde! Au revoir, à demain! Et à demain pour l'épisode 16!